Naluti olelo na tango na kuti akamoto na mito pona lala. Na kanisa la vi. Alphonse Negale, Mayofa. L'ivoirienne. Le vieux Adam Bombolé. Alpha Sénégalais. Non, jamais. Salanenge yanga motse mezo kimpota yeye. Naboy calvaire n'a souhaité kaka bonheur. Excès de confiance, maman reproche à Kingaï. Eh ben, elle en a yébitina, Alphonse Sénégalais. Inutile, on s'est posé trop de questions. Maillon fort, c'est toi. Yéba, nanalingio. Mouana, maman, koti, kangateli, kolo, eh, abanzobe. Yako, soulagéna. Alphonse Sénégalais, l'ivoirienne. Natika via polygamie. C'est vrai, hein? Na limita basa tirani. Na sacrifia banzela nyonso ya kala. Alfo pona bolingo na yo vale. Jackie Love, top model de Zurich. Banza, hein? Femme forte. Pangala porte à mon témoin, Alphonse n'a pas qu'à m'en arrêter. Y'a qu'on m'emboca, maman, botanga. Dani, la Camerounaise, la maman de Miss Carole. Ozala la mémoire est courte, c'est Tozana, mon aîné, y'a dialogue. Malgré ma problème, Pessanga, une seconde, zanzé. Jikemu Kendi. Le mari de Daniel la Camerounaise. Haïti Bar. Chelodi. Dansez-moi ça. Ok. C'est la femme de René. Ah, Sophie, hein? Chantal et Moussamba na Cologne. Moutombo si bout des moutons na Aken. Sadara, yebongo na nono lomboto ya dieba sisa, eh? Bebe na ngola liwa pilelo. Henri Boketsu na defense. Alphonse linga boye emponi niko. Okangi telefono bona yoko yambaye. Monte manete bimanyo sona mabo kwanzambe. Bebe na ngama mola liwa pi Alphonse. Galé, je t'aime vraiment. Tu es tout pour moi, Alpha. Ah ouais, c'est un seul homme à Rabima, Alpha. C'est là comme il connaît au Colombaï, Apolino. Sauto ligne, il faut qu'à quoi comme un soba. Moudita, Brigitte Savanay, Esaïe Odi. Oka, Tobina. Nayebisa Kibino, Toki Mambangote. En Côte d'Ivoire, le pays d'Alphonse Sénégalais. Écoutez-moi ça. So close. sa la tentative de suicide. Tango koyo kanso kyo zongi si motema bien. Na masha nezo alfo kona bolingo. Oh yeah, banana pondre na mauvais service na la vie. Bonjour, hello, Koya Rofele. La marraine. Na bonjour, hello, Koya Rofele. Écoute, Alpha Zero Front. Yo, comme yo, Pimangara. Distance la beau. Séparation, moi, y'a vu. Madi Belle Kaninda. Et moi, y'a vu. Un grand hôtel. Kase Kasongo Kadika Dima 2000 carats Jean-Charles Coteau.